بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الفصل الماضي أخذنا شيئا من أنواع العبادة، وذكرنا أن العبادة لا تكون إلا لله طبعا، et celui qui consacre une de ses ibadas pour que Allah, pour une créature, elle sera considérée comme étant une divinité pour lui, même si lui ne le reconnaît pas comme tel. Ma le farq bayna iyyaka na'budu wa na'buduk. C'est quoi la différence entre les... C'est avant, c'est le premier. Et avant, ça veut dire que c'est khas. Ça veut dire que ce qui vient après, c'est que lui. Et que c'est une personne avec lui. Par exemple, il y a qu'un arbre de salade, c'est un sens de restriction. Une chose, limiter une chose. طيب ودعاء المسألة عندك دعاء والمسألة تجوز لغير الله الدعاء لا دوموند نعم متى كان سي بيرمي الدعاء لا دوموند اوكي الله كان سي بيرمي voilà on veut demander quelque chose que quelque chose qu'on peut avoir sans la, je vois, t'as compris, mais clarifie la phrase. Toutes les demandes que Allah va nous accorder qui expliquent à Allah, ça ne peut pas dans ce cas. Dans la masala, on peut demander la seule chose que je suis là. Simple, tu dis de demander à la créature ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Voilà. De demander à la créature ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. Alors, طيب. الآن سندخل في فصل جديد. Un nouveau chapitre qui est بمعنى لماذا لم تنفع لماذا لم ينفع المشركين إكرارهم بالله. Pourquoi est-ce que le fait que les mushrikoun ont reconnu Allah, cela n'aura servi à rien. Ah bah, khulasa. Et ce livre-là, yani, c'est le même thème que Keshf al-Shubuhat. Avec d'autres petites fawaïdes qu'il n'y a pas dans Keshf al-Shubuhat. Mais le os du livre, comme vous allez voir par la suite, dans les Shubuhat qui va exposer et les réponses qu'il va apporter, c'est les mêmes que dans Keshf al-Shubuhat. C'est la même da'wa que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahmallahu ta'ala. Avec juste avec un autre ordre ou quoi, mais sinon c'est le même thème. En gros. Faqal, إذا تكرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإكرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي احتقاد فيهم أنهم يدرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون له عنده تعالى فنحروا لهم الحنائر وطافوا بهم ونظروا النذر عليهم وقاموا متذللين وخاضعين في خدمتهم وسجدوا لهم. On peut revenir à ce que l'auteur il dit, que si jamais tu as assimiler le fait que les mushrikoun ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala, quand même, malgré cela, ils lui ont associé dans l'adoration, que cela ne leur servira à rien. C'est-à-dire le fait qu'ils reconnaissent Allah, la cause de la shirk, ce qu'ils ont fait comme shirk, causera l'invalidité de toutes leurs adorations. et que les choses qu'ils ont adorées, ils ont pour croyance ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou qu'ils prennent comme intermédiaire, ils ont pour croyance qu'elles peuvent nuire ou apporter le profit, et qu'elles rapprochent d'Allah. Shir al-Rajihi, il dit, ala qawl fihi nazar, de dire que c'est que c'est wasa'it, tadour, wa tanfa. Les mouchriku n'avaient pas cette croyance-là à la base. Leur but, c'était de se rapprocher d'Allah. Pas de se protéger, mais Salen, il adore par exemple cette idole pour se protéger du mal qu'il craint d'elle. C'était pas ça leur but. Ils savaient que cela, ça venait d'Allah, en général. Mais on a toujours peut-être des individus comme ça ou des minorités qui avaient cela pour croyance. Mais dans le Coran, Allah a démontré que ces gens-là reconnaissaient que seul Allah, qu'un ayadur, ou yanfa, là, à qui ils ont pris ces wasa'it pour se rapprocher d'Allah. Donc ce que l'auteur a dit, fi nazar. Quand on dit fi nazar, la chose est discutable. C'est pas un kalam qui est. Il y a ni sawab 100%, ou même des fois 50%, ou même akal min zalik. C'est un kalam qu'on peut discuter. Donc ces choses qu'ils ont pris comme wasa'it, qu'elles intercèdent pour eux auprès d'Allah, ils ont sacrifié pour elles, ils ont fait le tawaf, le circuit pour elles, ils ont fait des nouzour, des vœux pour elles, ils sont levés en toute humilité et rabaissant pour elles, ils se sont même prosternés pour elles, toutes ces choses-là. Ma hadha kullihi fa hum mukirruna lillahi bil rububiyyah wa naw al khaliq walakinnahum lamma ashraku fi ibadati ja'alahum mushrikin ja'alahum mushrikina wa lam ya'tad bi ikrarihim hadha lillahu nafahu fi'luhum fa lam yanfa'hum al ikrar bi tawhid al rububiyyah. Donc il dit, malgré tout cela, ce qu'ils ont fait comme adoration à côté pour ces wasa'it, ils reconnaissaient Allah, mais dans Ar-Rububiyya, qu'il est le créateur. Et lorsqu'ils ont associé dans sa divinité, dans son adoration, alors cela les a rendus mouchriquins associateurs. Et que tout ce qu'ils ont fait comme acte, ou tout ce qu'ils pourraient faire comme acte pour Allah, ne sera pas pris en considération, à cause du shirk qu'ils ont fait. Et le shirk qu'ils ont fait rendra leurs actes vains et invalides. Et même cette reconnaissance de la Rububiyya ne leur servira à rien. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. Donc la logique, c'est que celui qui reconnaît Allah comme Seigneur dans la Rububiyya, il lui revient de l'adorer. Ça, c'est une qaïda que vous avez pris. أن التوحيد الربوبية يلزم ويستلزم توحيد الألوهية وأن التوحيد الألوهية يتضمن توحيد العبادة. Que celui qui reconnaît Allah comme Seigneur, cela, normalement, l'appelle. Cela implique qu'il l'adore seul. Comment il t'a créé? Il t'octroie subsistance. C'est lui qui t'accorde toutes choses, qui donne la vie, qui donne la mort. Donc cela inclut quoi, implique quoi? C'est lui que tu dois adorer. Mais là, chèque. Tout comme le fait que tu n'adores toi-même que celui qui a ses sifats. Tu ne peux pas adorer une chose qui ne crée pas. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas adorer une chose qui ne te nourrit pas. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas adorer une chose qui ni ne te nuit, ni n'apporte de profit. Ça ne sert à rien. Une chose qui donne la vie ou qui donne la mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. وَقَدْ عَرَفُوا وَهُمْ فِي الطَّبَقَاتِ النَّارِ وَقَالُوا تَاللَّهِ إِن كُنَّا فِي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. Donc après cela, quand est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça, ces mouchrikoun? Dans le feu. Comme dans le Coran, il a dit dans le sens, eux ils disent ça, les mouchrikoun dans le feu, ils disent, par Allah, nous étions certes dans l'égarement évident, lorsque nous avons égalisé avec Allah, le Seigneur des mondes. Il parle à leur associé. Quel égarement dans lequel nous étions avant que nous ayons égalisé entre vous et le Seigneur des mondes. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle chose? Quelle erreur énorme? Et cela du fait qu'en plus, qu'ils n'ont même pas égalisé entre eux et Allah, non, sur tous les hommes. Certains points seulement. Et là, l'auteur est dit, « Wahum fi tabaqat an-nar ». Et dans le nar, tabaqat, ce serait des degrés. « Wa sahih » dans le nar, on ne dit pas tabaqat. On dit « daraka ». Comme fait Allah Azza wa Jal, « Inna al-munafiqina fi darkir asfala min an-nar ». Que les munafiqoun sont dans le degré le plus bas du feu. Donc tabaqat, c'est de bas en haut. Et darakat, c'est de haut en bas. Donc le sawab, ça aurait été de dire « daraka ». Et non pas tabaqat. قال ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين لكن علموا في عقر جهنم ان خرطهم الاقرار بذره من ذرات الاشراك في التوحيد العباده سيرهم كمن سوى بين الاصنام وبين رب الانام. Donc ils n'ont pas rendu ces divinités comme étant des créateurs ni comme étant des raziqin. Et cependant, une fois qu'ils étaient dans le feu, ils ont su que ce mélange qu'ils ont fait entre le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, aussi infime soit-elle, quand même, pour des choses aussi basses soient-elles, que cet ishrak les a rendus comme celui qui aura égalisé entre Allah et les idoles. Vous voyez ? C'est-à-dire que tu as des gens, certains l'aiment plus que Allah, aiment plus leurs idoles que Allah. Donc là, il te fait comprendre que ces gens, une fois dans le feu, réalisent leur erreur. Qu'ils ont associé à Allah, quand bien même cette association serait sur une chose minime, comme on l'a expliqué. Ils n'ont jamais dit que ces choses-là sont comme Allah, ils sont des égaux à Allah. Ça, ils ne l'ont pas reconnu. Mais cependant, le fait qu'ils aient fait une adoration comme Allah, c'est une forme de taswiya. Ils ont égalisé entre les deux. Donc cet acte-là les a mis parmi les gens du feu. C'est ça que l'auteur veut dire. Ce que des gens pourront dire, mais ils n'ont jamais dit que c'est des créateurs. On dit, c'est pas ça qu'on dit, nous. On dit que l'adoration qu'ils ont fait pour ces créatures revient à Allah. Donc ça revient à une forme de taswiya. Enfin, taswiya, c'est le fait d'égaliser. Car chez nous, égaliser, en français, c'est mettre deux choses au même niveau. Et là, l'auteur va te dire qu'ils n'ont pas mis, leur ma'boudat au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala dans leur tête. Ils ne sont pas dit ça, c'est comme Allah. Jamais. Amen. Mais le fait de leur tenir adoration, c'est une tasouya qu'ils ont faite. Enfin, tout le monde le cas, ce qu'ils vont te dire, non, on ne voit pas que ce salam, c'est comme Allah. Non, abadan. Allah, c'est le khalik, c'est lui l'akbar, c'est lui qui est kazaï, kazaï, kaza. Ça, c'est juste pour approcher d'Allah. Mais en faisant cela, tu vas égaliser avec Allah du fait que ça revient à Allah, ce que tu fais là comme doa, comme ibadah. فقال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي ما يكر اكثرهم في اقراره بالله بانه خلقه وخلق السماوات والارض الا وهم مشركون بعباره الاوثان. Allah dans le sens il dit et la plupart d'entre nous ne croient pas en Allah si ce n'est en étant associateur, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, qu'il a créé les cieux et la terre. Cependant, ils associent dans l'adoration des idoles. Donc là, eux, ils ont une forme de, on va dire, une partie de l'iman, une partie de l'iman. Ça, c'est pas l'iman bidatihi. Vous voyez? Mais min l'iman, yani l'iman bil wujudillah. Comme les choses de la foi que tu crois en l'existence d'Allah. Mais ça, c'est pas l'iman, ça, c'est min l'iman. On fait partie. Celui qui a cela a une chose de la foi. On ne dit pas qu'il a la foi entièrement. Donc c'est ça qu'il veut dire par là. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ C'est-à-dire شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَانِ, une partie de la foi, sans qu'il associe à Allah dans l'adoration. بَلْ سَمَى اللَّهُ أَرِيَا فِي طَاعَةِ شِرْكَةِ مَعَنَا مَعَنَا فَعِلِ طَاعَةِ مَا قَصَدَ بِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. Et avec tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Ria, ce qu'on appelle l'ostentation. Ce Ria dans l'adoration, Allah l'a appelé Shirk. Alors que celui qui fait l'adoration, lui, à la base, c'est Allah qui vise. Il ne vise que Allah. Juste qu'il a voulu avoir, être élevé aux yeux des gens en faisant cette adoration-là. Parce que quelqu'un fait une salat, il ne fait pas salat pour les gens. Mais il embellit sa salat pour que les gens disent, lui, il fait une belle salat. Même tome. Sa salat, il l'a fait pour Allah. Mais il a mis une partie de sa niya dans cette adoration pour les gens, pour qu'ils le vantent. Donc Allah, il appelle cela comme étant du shirk. Cela a été nommé comme étant du shirk. Mais que la salat, il l'a fait pour Allah. Maintenant, c'est fait pour autre que Allah, ça c'est... Et après, il va se... Non. Ouais, là, maintenant, on va le citer, là, Inch'Allah. Donc là, après, il y a un ta'liq de shirk rajihi par rapport à le riya. Que le riya, il est de deux catégories. Qismain. Huwa riya al-munafiqin. Ceux qui sont soumis, qui sont rentrés en islam par hypocrisie, qui ont enfermé le kufr. Ça, c'est un riya mukhrij an al-millah, qui te sort de la religion. Et tu as, ça, c'est le riya al-akbar. C'est le riya majeur. Et tu as riya asghar. C'est ce qui traverse l'esprit du abd lors de ses ibadat. Qui cherche justement à avoir l'éloge des gens. Donc ça, c'est du shirk asghar. Cela ne le sort pas de la millah. Wa dalil ala hadha, qu'al Allah azza wa jal, an il munafiqin, wa idha yaqamu li salat, qamu kusala, yurawna an-nas. Que lorsque les munafiqoun font la salat, ils le font par ostentation des gens, pour que les gens les voient. En fait, ils font la salat pour les gens, pas pour Allah. Parce qu'au fond d'eux, ils ne croient pas. Donc la salat, c'est pour qui? Pour les gens. Et tu as des gens, ils font des ibadat pour Allah, mais ils essaient de la faire bien, pour que les gens disent, ah lui c'est un abid, lui il a du khushur, lui, mashallah, c'est un zahid, lui c'est un dévot, kaza et kaza. Ça c'est du riya asghar. Et ce riya-là annule l'œuvre. Il n'annule pas l'islam. Mais la lune, il annule l'œuvre en soi. Après, il y a un temps facile. Si c'est une œuvre qui est continue, si c'est une œuvre qui s'interrompt, parce que ça annule une partie de l'œuvre, ou toute l'œuvre, ça va rien, Inch'Allah, dans Kitab Tawhid. Bizina ta'ala. C'est l'une des choses pour lesquelles seront interrogés les ibad du Al-Qiyama. Al-Alim. Awal man siyus'al, Allah siyus'al, al-alim. Comment il s'interroge, c'est le savant. Al-alim. S'interroge, pourquoi as-tu lu le livre d'Allah? Il dira, qara'at, ibn tira wajjik, je l'ai lu pour toi, ya Allah. Il dit non, tu l'as lu pour que les gens disent que tu es un lecteur, quelqu'un qui lit le Coran beaucoup. Et les gens l'ont dit. Il s'est traîné, son visage est jeté au feu. Le Mujahid, c'est Yus'el. L'imaza jahatta fi sabilillah. Pourquoi tu as combattu? Il a dit, jahattu fi sabilik. Il a dit, kazabta, tu as menti. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu es courageux. Et les gens l'ont dit. Il sera pris et traîné par le visage et jeté au feu. Et Al-Mutasaddiq, celui qui fait des aumônes, des sadaqa, il s'est interrogé. Pourquoi tu fais des aumônes? Il dit, il dira, wajhik. Pour toi, Allah, il dit non, tu t'as fait pour dire que tu es généreux. Et les gens l'ont dit. Il sera tiré par le visage, traîné au feu. Et il sera tiré, traîné sur le visage et jeté au feu. On t'afkoura le hadith, elle a dit à Zakarna comme ayam à Suleiman. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ara yurihi Allah, wa man samma yusammiyahu Allah. Celui qui fait du riya, Allah le fera voir devant tout le monde. Et celui qui fait du summa, c'est. Ce qu'on entend parler de lui, le riya c'est qu'on te voit. Et le somwa c'est qu'on entend parler de toi. Celui qui fait cela, Allah fera qu'on entende parler de lui, mais en mal. Celui qui fait du riya, les gens le sauront. Ils finiront par avoir des choses, des indices qui décèleront que lui là, il veut se faire connaître, il veut se faire voir. Kazalik. Allah c'est yakshif amrak ila nas. Fal mara'i abad Allah ta'ala la ghayra. لكنه خرط عبارته لتراب المنزلة في قلوب العباد فلم يقبل له عبادة وسمها شركة. Donc, celui qui fait du ria, il adore Allah autre que lui. Cependant, il a mélangé dans son adoration une part pour les gens, pour que les gens l'apprécient et l'aiment et parlent en bien de lui. Donc cette adoration ne sera pas acceptée et Allah l'a appelé shirk. Parce qu'il y a une part de cette adoration, elle a été prise et donnée pour autre que Allah. Donc Allah l'a appelé shirk. Après, ça peut être asrar, comme on a dit, ou akbar, ça dépend de sa niya. كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك في ما غيري تركته وشركه. Que voilà dans le sens où il dit, hadith Qudsi, je suis le plus riche, c'est-à-dire je me passe de tous les associés du shirk, et celui qui aura accompli une œuvre et il y aura associé dans cette adoration autre que moi, ou avec moi plutôt, il y aura associé avec moi autre que moi, je délaisse lui et son shirk. C'est-à-dire l'œuvre elle est refusée, quand même, son œuvre elle est refusée. بلسم الله تعالى التسمية بعبد طيب بعبد الحارث شركة كما قال تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركا فيما أتاهما فإنه وخرج أحمد والترمذي من حديث سمرة أنه قال لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بهم أو طاف بها إبليس وقال لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث فسمته فعش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره قال فأنزل الله الآيات وسمى هذه تسمية الشركة وكان إبليس يسمى بالحارث والقصة في الدار المنثور وغيره. طالب لا يبسط المسألة بعد سوى دليل كي نيبا أوتنتيك. قال que Allah a nommé le fait de nommer Abd al-Harith comme étant du shirk. À la base, c'est vrai. Tout ce qui est Asma al-Ta'bid, Abd, quand même, tu commences par Abd, et après, tu l'attribues autre que Allah, c'est du shirk. Car ça, tu attribues la servitude à autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. On parle le fait de nommer, pas de décrire. La salaine. Maintenant, tu dis, mais c'est quelqu'un un esclave. Tu dis, Ada Abdou Zayd. C'est pas du shirk. Tu décris cet homme-là comme étant l'esclave de Zayd. C'est tout. C'est pas son prénom. Maintenant, demain, tu as un enfant, tu l'appelles Abd, et après tu l'attribues autre que Allah. Non, ça, t'as pas le droit de le faire. Ça, c'est pas permis. Donc, le fait de faire tasmiya de ta'bid, ça s'appelle ta'bid, autre que Allah, Allah dit que ce soit du shirk. Et après, c'est une histoire qui, elle, la tazbout. Dans le sens où Allah dit, dans Surat Al-A'raf, il dit, lorsque, c'est-à-dire après que des gens ont demandé à Allah d'avoir un enfant, il dit, فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِيمَا أَتَاهُمَا. Lorsqu'il leur a donné un enfant, c'est-à-dire c'est à ce couple qui lui ont demandé un enfant, ils lui ont attribuer des associés dans ce qu'ils leur ont donné, dans ce qu'il leur a donné. Il y a des gens, ils ont dit que un hadith rapporté par Ahmed et Tirmidhi, selon Samoura, qui les dit, lorsque Hawa a été enceinte, à chaque fois, chaque enfant qu'elle avait, il mourait à la naissance. Donc Iblis, il lui a dit que tant que tu n'appelleras pas Abd al-Harith, tu n'as aucun enfant qui va vivre. Ils ne vivront pas. Et ça, c'est parmi les insuffisants de Shaitan, les Wasawis. Par la suite, elle a eu un enfant, elle l'a appelé Abd al-Harith, et là, il a vécu. Donc l'auteur dit que le verset est descendu par rapport à cette histoire-là. Que le fait d'avoir nommé Abd al-Harith, l'enfant, ça a été du shirk. Car Iblis se faisait appeler Al-Harith. Al-Harith, il était dit que c'est parmi les noms d'Iblis. Je ne sais pas si c'est ça habite, Allahu A'lam. C'est pas précisé. Donc là, cette histoire-là, c'est tafsir Adam et Azbut. On a appris que Adam alayhi salam était un nabi. Wa qawmuhu kanu ala madha ala at-tawhid. Donc cette histoire-là n'est pas authentique. Mais ce verset est descendu pour des gens parmi la descendance de Adam alayhi salam. Qui sont-ils? On ne sait pas. Le verset descendu pour des gens de la descendance de Adam alayhi salam. et non pas pour Adam et Hawa. Mais le sens est vrai que le fait de donner un nom de ta'bid à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Il y a des ulama qui ont vu ce tafsir comme étant vrai. Mais il n'est pas vrai. Et هذا هو مذهب الحسن البصري, que lui voit que le tafsir n'est pas authentique. Et ce verset ne concerne que des gens, parmi les gens du shirk, de la descendance de Adam ou Hawa. De quelle génération, on ne sait pas. À la base, nous sommes tous de leur descendance. Nous sommes tous de leur descendance. Azrael, il est sans doute. Il est Munkar, même. Munkar, il a rejeté. Donc là, le khurasan du force qu'on a pris aujourd'hui, c'est que le fait que les mouchidikoun aient reconnu Allah dans la raboubiya ne leur a servi à rien. Et que dans le fait qu'ils aient adoré autre que lui, comme on a dit aussi, minime sur cette adoration, ça revient à égaliser avec Allah. Même si ce n'est pas sous tous les angles. Comme pour le verset, Tallahi, laqad kunna fi dhalalin mubin, iz nusawwikum bi rabbil alamin. Que les gens du feu, dans le feu, on s'est crié cela. Ça rentre de leur égarement. On a pris le riya également, l'ostentation. Annahu ala qismain, riya akbar, c'est celui des munafiqin, ou riya asrar, celui des mu'minin, lorsque cela leur arrive. Et le matloub du mu'min, c'est qu'il repousse cela. Alors même si jamais il voit des choses qui viennent du riya, des wasa, ou quoi, il doit les repousser, les combattre. Et celui qui fait cela, son œuvre, qui perdure sur le riya dans son œuvre, celle-ci est annulée. Pas son iman, l'œuvre, elle est annulée. Elle n'est pas acceptée pour Allah subhanahu wa ta'ala. On a pris cette histoire de ce tafsir, Mayasbut, Fishan, Adam ou Hawa. Non. Puis Souel, Ali Mafoum, Taïf, Faïla Huna, Walhamdulillah Rabbil Alamin.